Il aurait suffi qu'il joue la distance. Suffit qu'il ose me dire en face le contraire de ce qu'il pense. Qu'il ne me laisse entrevoir que le mystère entre nous. Il a suffi que j'ose l'imprudence. Suffit que je dévoile enfin mon cœur sans complaisance. Pour qu'elle doute de moi, pour qu'elle n'attende rien de nous. Tu me prends pour qui? Même aujourd'hui, demain tu t'en vas. Ivresse ou mépris, du rêve à l'ennui, je n'ai fait qu'un pas. Dès que moi je te fuis, toi tu dis oui, mais quand tu fonds, là je dis non. Quand c'est moi qui te suis, toi tu m'oublies. Quand je suis loin, là tu reviens. L'amour est indécis, toujours ainsi. Quand tu m'enlaces, moi je m'enlace. Nos folies nous dépassent, on s'aime hélas. Quand on se fuit, on cède à l'envie, sans savoir pourquoi. Rêve d'infini tombera du lit en aimant que soi. La raison dit oui. Le cœur n'y est pas. Unis pour la vie, faut-il faire comme si d'autres font comme ça? Dès que moi je te fuis, toi tu dis oui, mais quand tu fonds, là je dis non. Quand c'est moi qui te suis, toi tu m'oublies. Quand je suis loin, là tu reviens. L'amour est indécis, toujours ainsi. Quand tu m'enlaces, moi je m'enlace. Nos folies nous dépassent, on s'aime hélas quand on se fuit. Pourtant moi je ressens l'amour immense. Ne me dis pas que la cause en est seulement ton absence. Ne me dis pas que tout repose sur ce vide entre nous. Je t'aime aujourd'hui sans savoir pourquoi. Mon cœur est acquis, le tien bat pour qui si ce n'est pour moi? L'amour est indécis, toujours ainsi. Si tu m'enlaces, moi je m'enlace. Nos folies nous dépassent, on s'aime hélas quand on se fuit. Tu me prends pour qui? Je te plais pourquoi? Le corps a dit oui, on s'éprend la nuit, se méprend parfois. Tu m'aimes aujourd'hui, demain tu t'en vas. Il reste sous mépris, du rêve à l'ennui, je n'ai fait qu'un pas. Dis-moi, dis-moi que notre amour ne tient pas, qu'à tout se vide entre nous. Dis-moi, dis-moi que notre amour ne vient pas de tout ce vide entre nous.